monde est invité, c'est ainsi qu'on vit. Heureux de pouvoir donner et partager, tous nous nous aidons et nous nous respectons. Alors venez, bienvenue dans le clan familial, bienvenue à toi frère. Je sais que tu seras là pour moi. Je me souviens des miens.